T'es fait fort plus que moi. Je fais fort en termes de montée des intros de chroniques depuis les dernières années. Vous savez, depuis qu'Assemblage Requis est en onde, on a des chroniqueurs à la tonne. Et ça a fait qu'on a fait des dizaines et des dizaines d'intros. Et elles sont toutes meilleures les unes que les autres parce que c'est moi qui les ai faites. Ils sont recherchés. Ils sont vraiment recherchés. Des fois, la chanson va donner son nom à une chronique. Des fois, le nom de la chronique va voir, c'est exactement ça. Et cette fois-ci, on a un exemple d'une chronique que j'ai trouvé le nom à cause de la chanson. Donc la voici dans ce qu'on appelle la chronique Les paroles des autres. Voici la chanson thème de la chronique « Veux-tu sortir avec moi? » C'est je la connais pas. Mais oui. Aimerais-tu avoir une tête avec un garçon? Peux-tu venir avec moi? Aimes-tu sortir avec les garçons? Veux-tu sortir avec moi? Tu es la seule à qui je veux. Veux-tu sortir avec moi? Veux-tu sortir avec moi? La chanson thème de la chronique « Veux-tu sortir avec moi » avec Émilie Gauthier. On se rappelle, en tout cas pour les gens qui étaient là dans ce temps-là, qu'elle a fait ses chroniques pendant deux ans. Elle nous a laissé il y a à peu près deux ans. Fait qu'à un moment donné, je sais pas si ça a du sens côté temps, mais en tout cas, elle était là quand même longtemps et à chaque semaine, elle fait sa chronique plein air « Veux-tu sortir avec moi ». C'était vraiment le fun. On l'a perdu parce qu'elle est partie travailler ailleurs et c'est bien triste. La chanson, c'est « Veux-tu sortir avec moi » par le groupe Les Prostiputes, un groupe très, très joué, assez fou. Encore une fois, même en ce moment, ça joue encore beaucoup. Vous remarquez ça, leur son très caractéristique. C'est sur l'album Sexe en stéréo sorti en 2007. Voilà. C'était très bon. Yeah! Belle découverte, je connaissais pas ça. Non. Ah. Fait que, pas une des affaires récentes dans la vie. Non. Retro vintage, man. Ouais. Évidemment, on va faire de la radio en noir et blanc. Hein? Ouais. Comment est-ce qu'on fait ça? Attends un peu. Ah, j'ai un bouton ici. Plouk! Wouhou! Yeah, noir et blanc. C'est beau, c'est artistique au bout. On revient foulard. Pouit. Ouais. Ah, c'est plat. Donc, la chronique Les paroles des autres, où on présente une chanson thème d'une chronique ou d'une émission de l'univers radiophonique de moi-même, Mathieu Plante. On y va de semaine en semaine. Des fois, c'est moi, des fois, c'est les autres. Hein, d'où le titre Les paroles des autres. Pas juste oui. Moi là-dedans. Hein? Mais c'est dans ton univers radiophonique. Toujours autour de moi. Parce que c'est moi, le noyau. Voilà, qu'on veut cracher à terre. Mais il va y avoir une petite pousse qui va pousser. Une petite pousse de plante. Oui, ah, monsieur plante. Comme des racines, toutes, des affaires de fleurs et de botanique. Ouais. Le pouce vert.